السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم, الصلاة والسلام على رسول الله. Il y a quelque chose qui me fait vraiment mal au cœur quand je vois l'état de la Oumma, en fait, de façon générale. Je me rends compte de plus en plus, je le découvre parce que moi j'ai fait 4-5 ans de recherche complètement seul de mon côté. Je n'étais pas du tout sur Internet, pas du tout sur Facebook. Donc j'étais un peu coupé du monde, coupé même de la Oumma. Et là, depuis quelques mois, je lis différents commentaires de musulmans sincères et qui essaient de tendre vers un islam authentique. Et je me rends compte que on a beaucoup de maladies, même dans la Oumma, entre guillemets, chez les gens les plus sincères et qui essaient de tendre vers le Coran et la Sunna. En tout cas, ici en Europe, on a vraiment beaucoup de problèmes au niveau du cœur, beaucoup de problèmes au niveau de l'orgueil, de la prétention. Franchement, je suis déçu par rapport à beaucoup de monde, hein. Les gens mélangent la science, le savoir, avec leur ego et leur manière de je sais pas, de présenter des choses comme si c'était des maîtres, des sciences en religion, comme si eux marchaient sur terre comme des anges qui ne commettaient aucun péché, alors que nous savons que les fils d'Adam sont des pécheurs et que nous ne pouvons pas être des anges. Nous essayons au plus possible de tendre vers le bien, de nous soumettre à des centaines de lois d'Allah Azzawajal, mais on ne sera jamais parfait. Et on le sait tous au fond que dans nos vies privées, en réalité, quand on cherche bien ou quand on cherche, enfin même pas besoin de chercher, il y a des centaines de choses qui ne vont pas du tout et qui ne correspondent pas du tout à un islam authentique. Donc je demande aux musulmans de faire preuve d'un peu plus d'humilité, d'être un peu plus humble dans les critiques, dans la façon de faire des critiques. Lorsqu'on discute d'un sujet, il ne faut pas forcément qu'on parte en fitna, en débat. On commence à dénigrer l'autre, on commence à vouloir écraser l'autre pour avoir raison. On n'a pas besoin d'en arriver jusque-là. Il suffit de présenter les choses calmement, avec éducation, avec douceur, avec science, avec patience. Et la personne en face de nous, même si c'est la plus agressive et la plus déterminée à vouloir rentrer en guerre, si nous, de notre côté, nous faisons preuve de patience, de calme et de sagesse, ben on va arriver, inch'Allah, à la faire entendre raison. Mais il faut pas qu'on parte dans des combats de coq, alors qu'à 99% on est d'accord. Et je vois beaucoup trop de musulmans se prendre la tête, commencer à se disputer, commencer à ne plus se parler, commencer à s'éviter, uniquement parce qu'ils sont entrés en désaccord sur un sujet, un petit sujet. Encore si c'était un très très grand sujet. Et même si on est en désaccord sur un très grand sujet, ben c'est pas grave. Laissons le temps aux gens d'arriver à notre niveau ou de comprendre ce qu'il y a à comprendre. On n'a pas tous été au même niveau, au même moment. Moi, je me suis trompé des milliers de fois et je connais beaucoup de frères et sœurs qui se sont trompés des milliers de fois, qui ont revu leur façon de voir les choses, qui se sont remis en question. Et cette remise en question et le travail de l'apprentissage et de la sincérité du cœur est payant avec le temps, à force. Par contre, je ne parle pas bien évidemment des prêcheurs ou de certaines personnes, malgré le fait qu'on soit venu leur rappeler des centaines de fois qu'ils sont dans l'erreur. Par exemple, qu'ils appellent les gens à voter, qui sont dans l'erreur en insultant les moudjahidines, qui sont dans l'erreur en soutenant l'islam de France ou d'Europe, qui sont dans l'erreur en acceptant cette mascarade des mosquées d'Europe et ce complot qui se joue contre l'islam, qui sont dans l'erreur sur plein de points et sur différents sujets. Ces gens-là, à qui on est venu rappeler des centaines de fois qu'ils sont dans l'erreur et qui ne se sont toujours pas remis en question, qui ne se sont pas repentis, là c'est différent, là c'est autre chose. Là il faut le dénoncer, il faut le combattre par la parole et par n'importe quel moyen. Ce n'est pas la même chose. Moi je parlais là des petites disputes entre musulmans sincères qui essaie d'aller vers la vérité, qui essaie d'aller vers la science et l'apprentissage. Là, il faut faire preuve de plus de calme, plus de douceur. On se trompe tous, on n'a pas la science, je sais pas comment dire. Ben voilà quoi. On ne connaît pas tout sur tout. Il n'y a que Allah Azzawajal qui connaît tout sur tout. Donc nous, nous faisons notre possible pour tendre vers la vérité. Et parfois, il faut traiter de certains sujets. Parfois, il faut faire des erreurs pour comprendre la vérité derrière. Voilà, c'était juste un petit message en demandant aux gens, si possible, d'éviter de créer des fitnas pour des sujets pas très intéressants ou d'être de partir au quart de tour, d'être nerveux, de commencer à dénigrer, de commencer à insulter, de commencer à rabaisser l'autre pour faire passer son opinion et d'être un peu plus calme et un peu plus sage. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. غرباء غرباء للحياة ان تسلم.